marche pas. Selon le conseil des impies, qui ne s'arrêtent pas sur le chemin de ceux qui vivent dans l'oubli. Ils ne s'assiedent pas avec les moqueurs, ne boivent pas leur fiel, leur orgueil. Son cœur refuse leurs ténèbres, son âme ne suit pas leur seuil. Mais sa joie est dans la loi du Seigneur, sa loi est sa respiration. Jour et nuit, il médite sa parole comme une flamme dans son intention. Il est un arbre planté près des eaux qui donne son fruit en sa saison. Son feuillage jamais ne se flétrit. Tout ce qu'il fait porte bénédiction. Car le Seigneur veille sur leurs pas les conduits. Mais la voix des impies se dissout, elle se perd dans la nuit. Les méchants ne tiennent pas debout quand vient du jugement. Ils sont comme la paille au vent, dispersés sans fondement. Ils n'auront pas place dans l'assemblée de ceux que Dieu voit l'aube surgir. Oui, le Seigneur connaît la voix des justes. Leur